Portrait d'assaut sur Fadjet. La plateforme Mémo de vie accompagne les victimes de violences répétées dans leur parcours. Pour en parler, nous accueillons Anne-Sophie Gavrilov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Victimes 54 et porte-parole de la Fédération France Victimes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le rôle de France Victimes 54 et ses missions ? Alors France Victimes, c'est 130 associations sur le territoire, 1500 lieux de prise en charge et 1700 professionnels. Au local, vous avez France Victimes 54 qui accompagne les victimes, alors victimes de tout type d'infractions, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les accidents de la circulation, les attentats. Donc ça peut vraiment être tout un chacun ? Tout le monde peut être concerné et malheureusement victime. Vous êtes présidente, qu'est-ce que ça représente le rôle de présidente d'une association telle que celle-ci ? Pour toutes les associations, c'est obligatoire. Et oui, puis c'est surtout accompagner les équipes, soutenir des projets et puis aller chercher des financements pour réaliser ces projets d'accompagnement des victimes. Et venir nous informer notamment de cette plateforme Mémo de vie qui accompagne les victimes de violences répétées. Cette plateforme existe depuis quand ? Alors la plateforme existe depuis quelques années et elle a été créée par la Fédération France Victimes avec pour objectif de permettre aux victimes de harcèlement, de violences répétitives, donc notamment les femmes victimes de violences, leur permettre d'avoir un centre de ressources, une plateforme sécurisée, gratuite, où elles vont pouvoir avoir un journal de bord quotidien pour noter les violences qu'elles subissent, mettre des documents à l'abri dans un coffre-fort sécurisé, donc des constats médicaux, des PV de plainte, des papiers d'identité, ou encore avoir un centre de ressources et d'informations. Donc c'est utile pour les victimes, mais aussi pour les professionnels ? Alors les professionnels peuvent aussi utiliser cette plateforme. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à la victime, en notant toutes les violences qu'elle subit, de prendre conscience, parce que souvent, quand on est sous emprise ou quand on subit des violences au quotidien, ça devient presque quelque chose de normal. Donc vraiment prendre conscience du statut de victime. Et ensuite, lorsqu'elle est prête à déposer plainte, elle dispose d'un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'argumenter sa plainte. Voilà un site auquel on peut accéder via l'adresse www.memo-de-vie.org et c'est gratuit. Donc Mémo de vie, oui, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est sécurisé, comme l'accompagnement proposé par France Victimes 54. Et il y a une campagne de dons qui a été lancée pour cette plateforme. Alors pourquoi ? Parce que comme tous les outils informatiques, il faut renouveler, moderniser, développer les services qu'on propose. Et donc, ça nécessite des moyens. Et c'est pour ça qu'on lance un appel aux dons. Donc sur Hello Asso, vous pouvez donner pour permettre le renouvellement, l'actualisation de memodevie.org. La comédienne Catherine Marchal est ambassadrice pour Mémo de vie. Elle a réalisé un spot. Tout à fait. Elle a réalisé une vidéo de soutien pour permettre de collecter des fonds pour Mémo de vie et pour permettre de mieux accompagner les victimes, puisque c'est ça quand même la finalité. Et nous écoutons Catherine Marchal. Face aux violences, chaque preuve compte, chaque soutien compte et un don peut tout changer. Mémo de vie est une plateforme gratuite, sécurisée et confidentielle pour les personnes victimes de violences multiples et répétées. Elle permet d'écrire, de protéger leurs documents, comprendre leur situation et trouver de l'aide. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Un don permet de garder ce service accessible à celles et ceux qui en ont besoin. Alors pour faire la différence, rendez-vous sur www.memo-de-vie.org. Parce qu'il est encore temps de dire aujourd'hui, pour préserver demain. France Victimes 54 a accompagné en 2024 5200 victimes. Donc c'est quand même très important. 60% de femmes, donc c'est quelque chose qui est significatif. On voit bien que la parole se libère en matière de violences intrafamiliales. Et donc les femmes parlent et nous consultent davantage et vont davantage porter plainte. Nous accueillons également 550 mineurs qui ont été accompagnés également. Donc notre mission, c'est victime plus jamais seule. Donc on accompagne des femmes, des enfants, mais aussi toute personne victime. Aujourd'hui, l'association France Victimes 54 fonctionne avec des professionnels ? Alors l'association, oui, fonctionne avec des professionnels. Nous avons 10 juristes, 2 assistantes sociales et 2 psychologues. Puisque l'accompagnement d'une victime, il doit être global et pluridisciplinaire. On voit bien que quand on quitte son domicile, quand on est victime de violence, Il y a la problématique juridique, mais il y a aussi le fait de quitter sa maison, de se retrouver parfois sans moyens, sans logement et sans emploi, comment on organise la garde des enfants. Et donc, ça nécessite un accompagnement social important. Et puis aussi, forcément, lorsque l'on est victime d'emprise, le soutien des psychologues, pouvoir parler, c'est quelque chose d'essentiel. Donc l'outil du site internet www.memo-2-vie.org, il est essentiel aujourd'hui pour aider ces victimes. Essentiel, oui, parce que ça leur permet de prendre conscience, c'est ce qu'on disait. C'est aussi un point de ressource parce que une victime, elle va pas vouloir nécessairement porter plainte tout de suite ou être capable tout de suite ou prendre conscience immédiatement. Donc le fait d'avoir ce centre d'information va la rassurer, va lui permettre d'avoir des informations et quand elle sera prête, elle va prendre contact avec les professionnels et elle sera mieux accompagnée. Dire aujourd'hui pour préserver demain, c'est cette phrase qui nous accueille sur le site de Mémo de Vie, qu'on peut donc soutenir avec cette campagne de dons qui va jusque novembre, c'est ça ? Jusqu'au mois de décembre, la campagne de dons est ouverte, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Anne-Sophie Gavrilov. Peut-être un dernier message que vous souhaiteriez adresser. Les victimes ne doivent pas avoir honte. Il y a des professionnels pour les accompagner, donc qu'elles n'hésitent pas à contacter France Victimes 54. On a des permanences sur tout le territoire, à la cité judiciaire, dans les maisons de justice et de droit, à l'unité médico-judiciaire au CHRU. Donc sur l'ensemble du territoire, nos professionnels sont là à vos côtés puisque les victimes ne doivent pas rester seules. Merci Anne-Sophie Gavrilov, présidente de France Victimes 54 et porte-parole de la Fédération France Victimes. Un numéro de téléphone à noter, celui de France Victimes 54, le 03 83 90 22 55, le site internet www.francevictimes54.fr, l'association d'aide aux victimes que vous pouvez également retrouver sur Facebook, et bien sûr la plateforme Mémo de Vie, www.memo-2-vie.org. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.